À l'occasion du 69e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le président algérien Abdelaziz Bouteflika de la République populaire démocratique de Corée, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a fait parvenir le 10 septembre une corbeille de fleurs à l'ambassade coréenne dans son pays.